Mama, yeah, ou quitte papa, yeah, ou levé ou al marié, maman ou te balé, famille ou te balé, maman, trouvez-moi dans la peine, mariage, la vine pour tuer. L'aime vingue deux ou trois mois, madame moi sorti, ça moi y a c'est ça. Allez, caille maman. Yeah, yeah, faut quitter. Yeah, yeah, rejoins maman. Maman, pas jamais quitter. C'est pour pas mettre la terre. Yeah, yeah, faut quitter. Yeah, yeah, rejoins maman. Maman, pas jamais quitter. C'est pour pas mettre la terre. Civil enterré verbal. Toutes les hommes ont parlé, ils ne sont pas mariés parce que les filles ont des problèmes. Ils ont peut-être chargé de mettre maman. Toute la journée, maman a crié parce que le roi sont perdu. Ville n'a pas ça à faire. Regardez qui j'ai pour un angon. Ok. Pour l'autre, vous voulez sortir ou pas ça sortir. Débarrer, monsieur. Vous mariez.